Bonjour, bonjour, vous êtes bien sur Radio Libertaire, c'était The Avengers, on doit le générique, donc comme tu disais, hors antenne, chapeau monnaie, bottes de cuir, pour une fois qu'il y avait un bon titre français, avec la sublime Emma Peel, où c'était les années 60, 50 ans avant, on avait déjà un personnage féminin très fort comme ça, hein. Regardez-les, ils sont assez extraordinaires. Vous êtes bien sûr à l'écoute de Radio Libertaire, alors je voulais commencer, ça y est. Je voulais bien commencer, puis je suis déjà un peu bordélique, mais ça c'est moi, je voulais commencer avec un élan du temps retrouvé. Je trouvais que ces grèves nous font du bien, c'est que j'ai l'impression de vivre différemment les choses. Il faut que je parte une heure à l'avance, on prend du temps, et je voulais vous faire tout un long éloge comme ça du temps, où je me dis peut-être qu'on est en train de retrouver quelque chose qu'on a oublié, l'idée de prendre son temps, l'idée d'avancer doucement, l'idée d'un seul coup de ne pas faire 45 choses à la fois, l'idée de ne pas se dire, il faut que je sois à trois endroits à la fois, etc. Mais je ne vais pas vous le faire parce que je trouve que c'est juste bien de le dire. Donc voilà, c'est agréable en tout cas ce qui se passe en ce moment, en tout cas pour moi. Donc voilà, bien sûr, vous êtes sur la radio de la Fédération Anarchiste, c'est Bulle de Rêve, l'émission 100% cinéma, image par image. Au nom de l'équipe, je ne l'aurais pas demandé, mais je le fais en leur nom, je vous souhaite bien sûr une année enthousiasmante, énergique, remplie de belles et bonnes choses, une année remplie bien sûr de luttes, d'engagement qui, on l'espère, comme chaque année, porteront un peu les fruits d'un monde un peu plus réfléchi, un peu plus sensible, un peu moins humain en quelque sorte. Autour de la table, Marie-Pauline Mollaret. Bonjour Marie-Pauline. Bonjour Alexis, bonjour tout le monde. Anaïs Gauchot. Bonjour. Et Nicolas Tisse. Bonjour. Et moi-même, Alexis Huneau, je ne dis jamais mon nom, voilà comme ça. Je vous l'ai dit, le reste de l'équipe, Pascal Le Duf et Antoine Bieber ne sont pas présents ici, mais on les retrouve dans la prochaine émission. Il devait y avoir un guest d'honneur qui est un peu dans cet studio, un peu comme chez lui. Il aime tellement la réalisatrice et le film dont on va parler aujourd'hui qu'il m'a dit « Oh, je veux absolument venir » et puis il a été empêché de venir. Donc je sais qu'il écoute, on fait un petit coucou à Francis Gavel voilà, au micro, et on sait qu'il adore. Il m'a dit « J'aurais voulu venir pour parler de Marona, mais voilà ». En début d'année, Bulle de Rêve a voulu prolonger les fêtes de Noël. On a voulu se faire un cadeau et par là même vous faire un cadeau à vous aussi. Et pour cela, on a invité la réalisatrice d'un des plus beaux films de ce début d'année, et qui d'ailleurs, selon Marie-Pauline Mollaret, est présent ici, était déjà magnifique en 2019, et là encore plus en 2020, l'extraordinaire voyage de Marona, Anka Damian. Bonjour Anka. Bonjour. Merci beaucoup d'être présent. Alors je ne vais pas faire une longue présentation, car on va parler une bonne heure et demie, un peu plus, avec Anka Damian, donc on va profiter de ça. Dans le monde de l'animation, on la découvre, hein, pour la plus grande partie d'entre nous, entre 2011 et 2012, avec la diffusion dans de nombreux festivals, dont Locarno, de son film Le Voyage de Monsieur Krulik. Film bouleversant, nous racontant l'histoire d'un homme, Claudio Krulik, mort dans les prisons polonaises d'une grève de la faim qu'il avait entamée pour protester contre une accusation pour vol qu'il n'avait pas commis. Le film met en scène une animation 2D par ordinateur, mais aussi des objets ayant appartenu à Krulik. Le film entre enquête précise est une enquête précise de ce qu'il a vécu. Il obtient d'ailleurs le Grand Prix à Annecy en 2012. Elle revient dans le monde de l'animation en 2015 avec La Montagne Magique, racontant l'histoire incroyable, et c'est là où je vais commencer à massacrer les noms, Adam Jacek, merci beaucoup, un Polonais qui va traverser quelques moments importants de l'histoire du XXe siècle, notamment en combattant aux côtés du commandant Massoud en Afghanistan. Elle s'adjoint pour ce film le talent d'un réalisateur reconnu dans le domaine du court en animation, Théodore Huchef. Et donc mercredi dernier est sorti son troisième long métrage d'animation. On parlera, parce qu'elle n'a pas fait que de l'animation, L'extraordinaire voyage de Marona, dans lequel une chienne nous raconte sa vie. Marona, de son dernier nom donné par un humain, nous donne une leçon de vie en nous montrant que des fois le bonheur tient plutôt dans les petites choses de la vie que de vouloir aller chercher toujours plus loin. Alors justement, je voulais commencer en râlant contre le box-office qui voit en tête que des suites, des remakes, des franchises. En râlant parce que Marona, dont on va vous parler aujourd'hui, il va falloir que vous vous battiez pour aller le voir. À Paris, par exemple, il ne joue que dans 3 salles. À Lyon, une salle et une séance par jour uniquement, le samedi, le dimanche et le mercredi. Il ne joue même pas à Lille, qui me semble être une grande ville pourtant en France, alors que La Reine des Neiges 2 a encore 38 séances par jour uniquement à Paris, un mois après sa sortie. Et puis, Marona m'a parlé. Oui, c'est peut-être, Marona et moi, on a des origines maltaises, donc ça nous rapproche l'un l'autre, elle et moi. Et elle m'a dit, tu voulais faire une émission pour me célébrer, pour dire que j'avais raison, qu'il fallait essayer de trouver aussi, hein, surtout le bonheur dans les petites choses. Et toi, tout ce que tu penses, c'est râler contre Disney et tout. Tu as peut-être raison, hein, mais t'as peut-être pas tort, mais tu veux pas t'élever, aller vers autre chose. Et puis tu sais que j'ai peur quand on crie. Alors oui, je vais t'écouter, Marona, et je vais remercier le Lucernaire, l'Archipel, le Pâté d'Avillette, le Philippe Noiret, le Fontrelle, le François Truffaut à Chili Mazarin, le Cinémassy, le Select d'Antony, le Cinéma Landowski, le Rex à Châtenay-Malabry, la Salle André Malraux de Bondy, le Georges Méliès de Montreuil, le Ciné 104, l'Écran Saint-Denis, l'Espace 1589, le Cinéma du Palais à Créteil, le Lido de Saint-Maur-des-Fossés, les Toiles de Saint-Gratien, le Cinéma La Familia à Avion, le Star à Strasbourg, le Rang à Mutzig, le Caméo Commanderie à Nancy, le Concorde à Nantes, le Cinéma Festival à Bègle, le Jean Eustache de Pessac, l'ABC de Toulouse, les Variétés et le Baleine à Marseille, le Pagnol à Aubagne, le Luxe Scène Nationale de Valence, le Forum de Chambéry, le Saint-Louis à Saint-Palais, le Comédie à Lyon, le Zola à Villeurbanne, le Studio à Tours. En dernier, je voulais remercier, à dire un très très grand merci à Florian Delport des Ursulines, qui depuis des années fait un travail incroyable sur le cinéma d'animation et qui est le seul à proposer Marona à 20h à une séance où les adultes ont plus de facilité à avoir. Merci pour tout ce travail, Florian, que tu fais depuis des années. Voilà Marona, j'en ai sûrement oublié, mais ce sont quelques-unes des salles qui font encore bien leur travail et qui vont permettre à des gens de dérouler avec toi le fil de ta vie. On écoute, avant de revenir sur ce film, le disque du mois. Les cheveux trempés de sueur, une balle tirée dans le dos. As-tu seulement vu ton tueur ? À Orlando, trouver refuge dans les toilettes. Un dernier je t'aime par texto, puis le bruit de la mitraillette. À Orlando, les gyrophares en long cortège. Les sirènes comme un sanglot, et cet interminable siège à Orlando. C'est juste des gens qui s'embrassent, qui boivent un ou deux verres de trop, et vont danser devant des glaces. À Orlando, c'est juste des gens qui s'embrassent, mais pour certains c'est déjà trop, et c'est ainsi que l'on trépasse à Orlando. C'est le sale dégoût des autres, c'est Dieu brandi par des idiots. Ne peut-on vivre côte à côte à Orlando? À vous de mon exil, je pense à vous de mon piano. Elle ressembla aussi ma ville à Orlando. J'espère que la terre vous est douce, qu'elle vous console, qu'elle vous tient chaud. J'espère qu'un peu de fleurs y poussent à Orlando. Oui, alors donc, pardon, on était en train de parler de plein de choses comme d'habitude, hors antenne. Marie-Pauline, le disque du mois, il vient de toi, donc on t'écoute. Oui, alors le disque du mois, certains l'auront sûrement reconnu, c'est Pas plus le jour que la nuit d'Alex Baupin, qui est sorti à l'automne dernier. Alex Baupin, les cinéphiles l'ont découvert dans les films de Christophe Honoré, notamment dans les chansons d'amour ou dans les bien-aimés. Et on sait qu'il se caractérise par des textes très contemporains, qui parlent d'amour perdu, d'être cher disparu, et du temps qui passe trop vite et ne reviendra jamais. Ça n'a pas l'air joyeux comme ça, mais le chanteur a aussi le chic pour se moquer de nos travers et porter un regard caustique sur l'époque. Il suffit d'écouter sur le dernier opus « Cours camarade » ou « Sitôt » pour avoir une idée de l'ironie dont il est capable. Pour ce sixième album, la gravité est malgré tout toujours au rendez-vous, comme en témoigne Orlando, la chanson que nous venons d'écouter, dans lequel le chanteur rend hommage aux victimes de l'attentat perpétré le 12 juin 2016 dans un club LGBTQI d'Orlando. Merci beaucoup donc pour cet album. Ce que je vous propose, alors on va parler pendant tous les quatre adultes, pendant une heure et demie comme je vous ai dit. Et Maruna, c'est un film familial, on s'est dit que c'était pas mal de demander à quelqu'un qui était déjà venu ici autour de la table de nous dire ce qu'il en pensait. Alors je vais vous proposer d'écouter la bande-annonce de L'Extraordinaire Voyage de Maruna, comme ça vous serez dans l'ambiance. Et Raphaël, qui a été interviewé par une très grande intervieweuse, Marie-Pauline Mollaret, qui est en plus sa maman, donc ça tombe bien. Rappelle-nous, Raphaël, à quel âge ? Raphaël, il a un peu plus de 7 ans. Donc voilà, donc on va entendre la bande-annonce et on va entendre Raphaël qui nous dit ce qu'il a pensé de Maruna. On écoute ça. Comment est-ce qu'une jolie fille comme toi a pu se retrouver ici à garder les poubelles ? Ah, c'est une longue histoire. Si personne n'a de meilleure idée, je prendrais bien un moment pour rembobiner le film de ma vie. Je ne sais pas combien de temps je suis restée avec ma mère. Moi, le 9e chiot. Eh bien, mon garçon, ta mère te manque ? Étrange créature que l'homme. Ah, tu as senti l'odeur, hein ? T'as une maison, toi ? Il faut que je te présente à ma famille, petit à petit. J'avais un abri rien qu'à moi. Nous voilà avec une gonzesse de plus dans la maison. Exactement ce qu'il me fallait. J'avais un nom, rien que pour moi. Je vais t'appeler Sarah. Anna. Maruna. Oui ! Et ce cadeau me tombait du ciel tout d'un coup. Je vais te la dresser en moins de 2. Non, je suis très bonne pour communiquer avec les animaux. Chez les chiens, le bonheur, c'est l'inverse de celui des hommes. Nous voulons que les choses demeurent exactement comme elles sont. Les humains, eux, veulent toujours autre chose que ce qu'ils ont. Ils appellent cela rêver. Moi, j'appelle ça ne pas savoir être heureux. Je m'appelle Raphaël. Pour cette émission 2020 de Radio Libertaire, nous allons vous parler de L'Extraordinaire Voyage de Maruna. Alors Raphaël, de quoi parle le film ? Le film parle un peu des émotions, de la joie et de la tristesse. Est-ce que tu peux nous raconter un peu l'histoire ? Maruna est vendue au propriétaire de son père. Et le propriétaire de son père la perd dans la ville. Et elle est d'abord recueillie par un monsieur qui s'appelle Manol de Manol. Et ensuite, il y a quelqu'un qui s'appelle Iswan. Et à la fin, j'ai quelqu'un... qui lui donne enfin son vrai nom de titre. Et qu'est-ce qui t'a plu dans le film ? Ce qui m'a plu dans le film, le début de l'histoire, quand elle décide de rembobiner le fil de sa vie. Et pourquoi ça t'a plu, ça ? Parce que c'est sa histoire et que c'est ça qu'elle doit faire pour pas mourir. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont surpris dans le film ? Ben oui, beaucoup de choses, parce que les personnages étaient vraiment bizarres. Ça doit être l'effet de la peinture. Ça veut dire quoi, bizarre ? Bizarre, ça veut dire que... Bizarre, ça veut dire qu'ils sont pas pareils que d'habitude et qu'on... Et que, par exemple, il y a un humain qui a une queue, c'est pas vrai. Et il y a autre chose ? Oui, parce que Manol l'acrobate, quand il montait les escaliers, il était les mains derrière lui et les pieds devant lui sur le dos. Et il marchait comme ça, clou clou clou, en montant des escaliers. Aussi, des fois, il y a des gens qui font n'importe quoi, comme les ouvriers de Ivan, là, des trucs comme ça. Et quand ils montent l'échelle, boum boum boum boum boum, c'est un peu comme au stop motion à l'école. En fait, c'est comme s'ils marchaient pas. En fait, ils mettent d'abord le pied, ils prennent et ils mettent l'autre pied, et ensuite ils prennent la photo, et boum boum boum, à chaque fois. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu voudrais dire sur le film ? Oui, j'ai une question à la réalisatrice plutôt. Est-ce qu'elle pourrait me dire pourquoi Marona est toujours traitée de garçon alors qu'elle est une fille ? Pourquoi ? Alors, Anka, Raphaël te demande pourquoi, en effet, les personnages humains lui disent à chaque fois « Eh ben, comment ça va, mon garçon, alors que c'est une fille ?» Être traité par quelqu'un d'autre pour un garçon, pas pour une fille, c'est le problème de l'autre, c'est pas le problème de Marona, parce que et toujours on a la tentation de considérer d'avoir une vue sur l'autre sans le regarder en vrai. Et c'est un peu ça, c'est la limite des autres qui, en plus, c'est plus facile. Un garçon, c'est, quand on voit quelqu'un, ah, bonjour mon garçon, c'est plus facile que de regarder attentivement et de lui donner attention et voir que c'est une fille. Il y a cette idée quand même un peu, politique un petit peu, qu'on prend toujours, c'est toujours les garçons en premier, c'est toujours ça, et que d'un seul coup les petites filles sont derrière. Quand je dis politique ou sociologique, le mot que tu veux. Sociologique, hein, plutôt. Ouais. C'est pas MeToo, mais c'est plutôt. Mais en tout cas, c'est quand même de se dire d'un seul coup, en effet, c'est toujours un garçon. C'est la superficialité de notre regard. Alors moi j'aimerais qu'on commence et j'aimerais s'il te plaît qu'on passe le morceau 5. Vous allez entendre les trois débuts des trois films de long métrage d'animation d'Ankadema. Alors le premier est en roumain, vous n'allez pas l'entendre, mais le personnage dit je vous conseille les trois films, surtout alors Radio Libertaire, là précipitez-vous, et sur Krulik, sur Marona, sur La Montagne Magique, vous allez voir ces trois films assez exceptionnels, on va en parler. Et juste on va écouter les trois débuts des trois films. Et après, on revient avec ma première question. Voilà, on écoute ça. Cel ce se prezintă ca fiind consul României la Varșovia, îi cere domnul Leontescu, adică lui unchiul meu, să confirme rudirea cu Claudiu Krulik, adică cu mine. După care îl științează că eu sunt mort. Și dacă nu poate veni cu 2500 de euro să mă ia acasă, cadavrul meu o să fie incinerat. Și nu, consulatul n-are cum să-l ajute cu repatrierea. Donc tu t'en vas. Anya, ne sois pas triste. À son retour, papa va t'apporter un cheval. Si tu reviens. Débrouiller sans moi. Avant de partir pour l'Afghanistan, j'ai tout vendu. Je n'ai plus rien désormais. Juste cette histoire, Anyulka, une fille et son père, seule, dans une salle de cinéma. Toi et moi, notre dernier film, ensemble. Ici, c'est le point zéro du point zéro. quand tu n'es plus rien. Une trace sur le bitume, sans nom, sans passé, sans avenir. Marona ! Arrêtez-vous ! À l'aide ! Allez, Solange, arrête de crier. Tu sais bien que les crimes font peur. S'il vous plaît, arrêtez-vous ! Marona ! Solange, arrête de pleurer. Je ne m'entends pas penser. Marona ! Je prendrais bien un moment pour rembobiner le film de ma vie. J'ai entendu dire que c'est ce qu'on fait quand on meurt. On revoit le film de sa propre vie. Bon, je suis content, j'ai tenu. J'ai fait tout le montage. En fait, à chaque fois que j'entends le début de Marona, je pleure. Donc je suis content, j'ai réussi à tenir et ne pas pleurer en l'entendant. Les trois films qu'on a entendus, le premier en effet, c'est Krolik qui nous raconte son histoire et qui dit... Et ben qui voilà, commence, je suis moi. Hein, c'est direct, premier métrage. Mon oncle reçoit le coup de fil qui lui dit que moi, je suis mort. Et s'il ne vient pas avec 2500 euros pour prendre mon corps, ils vont m'en incinérer. Et le consulat ne peut pas aider. Le deuxième... Ça parle pas vraiment de moi, mais on peut s'en douter. En tout cas, on espère qu'il dit à sa fille que c'est le dernier film qu'ils ont vu ensemble. Comment tu vas faire quand je serai plus là? Et le troisième, on entend Marona, elle est morte. Et donc, on a trois personnes, trois films. Qui parlent au-delà de la tombe. Ouais. Pourquoi ce début? Pourquoi ces débuts à chaque fois? Tout bon, part par la mort. Premièrement, bon, les thèmes, mais une chose que j'ai lue, je pense, dans Le Monde cette semaine, il disait c'est un film qui fait honneur à la vie, effectivement, parce qu'on doit apprécier encore plus la vie. On doit, la mort donne la valeur de la vie, et c'est un peu ça. Et mettre aussi, moi j'ai l'idée que les premières 5 minutes d'un film, c'est le moment d'attraper l'attention. Et en plus, bon, pour Krolik, c'était quand j'ai eu l'idée de faire à la première personne avec l'humour noir roumain, que c'était parce que aussi de dire parce que au spectateur, ça peut être toi. Quand quelqu'un est mort, ah bon, il est mort. On entendait beaucoup de gens qui sont morts. Mais quand tu dis à la première personne, ça te traverse, mais si c'était moi, c'est pas la même chose. Pour débuter le film, c'est vrai que tous les trois films ont un peu la même structure, prologue, épilogue, si on regarde un peu. Mais comme tu dis, c'est rare de rentrer en empathie finalement avec quelqu'un qui est mort. Normalement, dans un film, c'est assez rare d'avoir quelqu'un qui nous dit « voilà, je suis mort ». Et je vais vous raconter mon histoire, mais il va falloir que vous me compreniez, alors qu'a priori, je ne suis plus là. Et, c'est une forme qui n'est pas évidente, quoi. Toi, c'était normal. Enfin, ça t'est venu directement. Les trois fois, c'est des voix off. Oui, les trois fois. Pareil, ça s'est imposé de suite. Il n'y a pas eu de réflexion, il n'y a pas eu d'idée de se dire on va faire dialogue. Il fallait qu'ils parlent eux-mêmes, les personnages parlent eux-mêmes. Oui. Ou elles-mêmes, ouais. Oui, c'est les choix de voix off. Par exemple, pour Krolik, je voulais tenir seulement la voix off, mais je n'avais pas. Il y avait des informations que lui, il ne savait pas. Et à ce moment-là, j'ai introduit le narrateur à un moment donné. Mais autrement, c'est. Et Marona, par exemple, c'est sa voix off et on dialogue une seule fois avec Solange quand elle est petite, mais autrement, c'est sa voix off, les autres personnages parlent aussi. Mais... Oui, mais c'est vraiment, quand je dis qu'il n'y a pas que ça, mais en effet, c'est les trois voix off qui nous portent oui. À chaque fois et qui ont fait. Comment on fait pour... C'est quelque chose qui m'intéresse toujours pour choisir la bonne voix Je sais pas, tu l'as déjà en tête et t'essayes de trouver le match ou tu te laisses surprendre par les voix? Oui. Parce que là, il y a Mieux Sec en français pour la deuxième. Si vous voulez, oui, oui. Il y a un acteur roumain très fort pour Krolik aussi, dans le premier, qui a une voix absolument incroyable. Vlad Ivanov, si vous voulez, pour Vlad Ivanov et pour Lizzie Brocher, je les ai eu en tête avant. Mais avec Lizzie Brocher, elle a fait aussi la voix dans La Montagne Magique, c'est Anya, c'est la fille de Adam Jacek Winkler. Et elle, je la connaissais, elle est, pour moi elle est parfaite, elle a la complexité, la sensibilité, la force, elle a toute cette mélange paradoxal que j'ai voulu que Marona a, et en plus je l'adore comme personne, humainement elle est. Et avec Vlad Ivanov, je l'avais en tête aussi, c'était passé quelque chose extrêmement touchant, parce que bon, on a discuté, on a répété 3 jours avant. Il est né très près de la ville où Krulik était né. Il connaît très bien, parce que c'est la région de la Moldavie du Nord, est spéciale aussi en humour, aussi en langage. Mais quand on a fait l'enregistrement, j'ai eu l'impression que ce n'était plus lui, c'était comme un état de transe. Il a fait une fois du début à la fin, c'était parfait. Et puis je lui ai dit, fais encore une fois avec plus d'humour parce que tu es mort et tu t'en fous. Et cette deuxième version a été encore mieux. J'ai l'utilisé presque en totalité, des petits morceaux j'ai pris de la première version. Pour Adam Jacek Winkler, c'était un peu la douleur. Ouais. quand quelque chose va très facilement une fois, la deuxième fois. parce que pour trouver la voix, Miosek, alors on avait déjà fini la voix polonaise, la voix anglaise, et on n'avait pas trouvé la voix française. Et à ce moment-là, c'est la femme de Guillaume de Seyl qui a dit, j'ai dit, je ne veux pas un acteur, je veux quelqu'un qui vit vraiment. Elle m'a proposé Miosek, et pendant c'était les vacances d'hiver, et pendant les vacances, j'ai parlé 2 heures au téléphone, de trouver des connexions entre lui et le personnage. Et puis, il est une personne très émotive. Le journée de Charlie Hebdo, il est venu pour l'enregistrement, une bonne journée pour enregistrer sur un film avec des Moudjahedine. C'est en plus. il est venu, tout au début, il était hyper émotif, mais puis il a marché. On a, par exemple, pour Krulik et La Montagne Magique, j'ai fait moi-même les 3 versions de langue. Krulik a une version française et aussi une version anglaise. La version anglaise, c'est bien le même acteur, non? Non, pour la version française, c'est le même acteur, mais cette fois-ci, comme ce n'est pas sa langue, si vous me demandez dans la voix roumaine, il te fait la chair de poule. Oui. Mais pour la version française, ce n'était pas. Il n'a pas la même chargement. Et c'était Sandrine Bonner qui fait le narrateur. Dans la voix internationale, c'était une voix en anglais, parce que moi, j'ai fait le choix d'avoir une distance vers la voix de Krulik, de ne pas avoir 2 voix de hommes comme voix off. Et c'était une voix en anglais qui est Jamie Seavers. Et Jamie Seavers, dans la voix anglaise, c'est lui qui a fait Krulik, et j'ai pris un mec de BBC qui a fait le narrateur. Pour La Montagne Magique, j'ai fait avec Jean Marbar la version anglaise, et aussi avec Lizzie. La version polonaise, avec l'acteur de Vajda, Dieu. Pam. Comment j'ai pu oublier son nom? Mais bon. Ça arrive. Il y a beaucoup là. Depuis j'avais 20 ans, j'étais très mal à retenir le nom. Puis moi, je suis pas très bon dans les noms aussi. Non, mais les noms polonais, je t'assure que c'est pas difficile. Comme tu nous disais, les deux langues sont très roumaines et polonaises sont très éloignées. Tu nous disais, voilà, on dira pas les mots qui se ressemblent à l'antenne. Donc regarde. Oui. Pour être sûr de ça. J'ai l'impression, pendant que tu regardes, là tu nous parles des voix, on en a parlé. C'est très important ce moment-là pour toi. Est-ce que tu fais des dialogues à l'avance? Est-ce que tu... même avant le scénar, enfin c'est très important ce moment-là et les enregistrements? Oui, pour moi toujours aussi les voix finales sont faites. Par exemple, la voix avec Vlad Ivanov, je l'avais enregistrée avant d'entrer dans le studio de l'animation. Alors je suis entrée dans le studio avec la voix, 50 000 photos que j'ai fait pendant les recherches. Pour la musique, je le fais avant. C'est d'avoir la vibration et l'émotion pour celui qui anime avant. Et pour tous les films, sauf pour la Montagne Magique, on a travaillé sur la voix en anglais, comme c'était fait aussi en Roumanie et en Pologne, l'animation. La voix de Jean Marbar, c'était ça, la version de... De référence, oui, c'est ça. Ouais. Pour la période de travail, et puis on a eu la voix finale. Et est-ce que ça, c'est ton côté, t'as été documentariste? Je ne peux pas dire que je suis documentariste. Ouais. Même quand les soi-disant, c'était plutôt des films essais. D'accord. C'était plutôt des visions sur la réalité. Moi, j'étais invitée à un festival de documentaires à un moment donné avec lui. Je dis, bon, de bon point de vue, ce genre n'existe pas. Parce que c'est toujours un point de vue que tu fais le choix, le choix dans le temps, dans l'espace, le choix de montage, tous les choix que tu fais, c'est ta vision sur la réalité. La réalité est multiple, tu ne peux pas dire que c'est... Ça, c'est la réalité. Si tu manipules les gens, si tu dis que c'est ça la réalité. Mais pour toutes les choses, pour faire des films, je m'inspire de la réalité. C'est la réalité qui me donne l'émotion, c'est la réalité. Sans réalité, je ne peux pas faire rien faire. Et c'est des rencontres. Tu disais par exemple que pour Krulik, The Hunger de Steve McQueen était sorti. Je sais qu'à un moment donné, t'as hésité, il y a un moment donné, de se dire, oh, c'est très proche, etc. Et que, dans une interview, tu dis, mais je me suis rendu compte que il fallait que je fasse ce film. C'était un film qui n'avait rien à voir, qui était différent. Et il y avait quelque chose qui m'obligeait à faire ce film. Je ne savais pas pourquoi, mais il fallait que je fasse ce film. Donc, c'est des rencontres. Et pour le dernier, Marona, ça vient aussi d'une histoire, d'une histoire personnelle. D'une histoire réelle. Bon, Marona existe pour tout le monde. Peut être vraiment rassurée qu'elle est en vie. Elle a des poils blancs, mais c'est ça la vie. La vie des chiens est encore plus courte que la vie des humains. Alors pour elle, elle a 8-9 ans. Alors elle est déjà dans ses 70. Je ne peux pas sauver tous les chiens, même si je veux et je voudrais, mais elle m'a suivi dans les rues et je ne peux pas pu la laisser. Il y a quelques chiens, le regard de chien, c'est déjà touchant, mais il y a quelques chiens qui vraiment, quand ils te regardent, et tu sens que c'est une émotion si forte que tu ne peux pas justement passer à côté. Et je lui ai trouvé des familles d'accueil et j'ai vu qu'elle change les familles d'accueil. Et comme ça, cette idée de faire ce film, à un moment donné, je pense que c'était à Radio France, à France Culture, à la table ronde, ils ont dit, mais c'est le troisième film de la trilogie sur l'héroïsme. J'ai dit, non, c'est pas le troisième. Je voulais faire un film sur Malala. C'est vrai que si, idéalement, si on juge, c'est le même sujet, et c'est aussi parce que le sacrifice, l'idée de l'héroïsme que j'entame dans les autres films, le film avec Malala, c'était le niveau d'héroïsme sacrificiel, celui qui veut se sacrifier pour les autres, pas pour... Et d'un point de vue, ça correspond à la thème, mais ça ne fait pas partie. C'est pas Malala, Marona, même si ça ressemble. C'est pas la même chose. J'ai pris le micro, mais je me retourne vers mes petits camarades pour savoir s'ils ont des choses à ce moment-là aussi, des questions ou des... Je peux continuer, mais... si vous avez... Marona, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je trouve que moi, c'est un film qui me... J'avoue, hein, qui m'a assez bouleversé parce que... Vas-y. Jerzy Radziwiłłowicz. Voilà, l'acteur, donc... Machine qui joue aussi donc avec André Vajda. Voilà, merci. C'est un film que, alors, je vais le dire, en plus, moi, c'est pas très intéressant, mais quand même, ça m'a... Moi, je suis plutôt chat que chien. Et c'est vrai que je suis pas forcément touché plus que ça, même si je comprends à le regarder. Et en fait, je trouve que Marona est bouleversante parce qu'en effet, elle nous replace à un moment donné dans notre rôle, non plus, en effet, comme on le sait, de centre de la Terre, mais finalement d'être au milieu de tout ça, finalement, au milieu de tout ce qui nous entoure. Il y avait une expo qui vient de se terminer, qui s'appelait Nous les arbres, qui a eu lieu, ou qui raconte en effet que l'être humain a beaucoup pris la place un peu partout, mais que finalement, les arbres, on le sait qu'ils sont là depuis bien plus longtemps que nous, ont sûrement beaucoup plus de choses à dire ou à transmettre, même que nous, on peut le faire. Et je trouve qu'il y a quelque chose d'assez beau dans ça. Et tu aurais dû me couper. J'ai complètement zappé. Pardon. Il y avait la revue de presse. Oui. Marie-Pauline, t'aurais dû. Je peux la faire maintenant. Je suis partie. Alors, on va couper. On reviendra là-dessus. En effet, on voulait faire une rapide petite revue de presse de Marona. Marie-Pauline, excuse-moi. C'est mais à toi. Je t'en prie. Alexis, on était dans une sorte d'élan. Je n'allais pas le couper avec cette revue de presse, mais on va y passer maintenant. On va commencer avec Marius Chapuis qui, au moment d'Annecy, écrivait dans Libération « Véritablement extraordinaire, tant le film de la Roumaine Anca Damian s'affranchit de tout ce que l'on peut voir au cinéma, l'extraordinaire voyage de Marona et de ses étincelles qui continuent de nous illuminer longtemps après la fin de la séance. » Avant d'ajouter « Autorité majestueuse du dessin, richesse de la matière, souplesse de mouvement, le brouillon côtoie l'enluminure comme les couleurs mates et vives de l'acrylique s'entrechoquent avec de subtils jeux de transparence aquarelle. Dans ce carnaval, le film pourrait mille fois se disloquer, perdre son fil à mesure que s'y démultiplient les acrobaties plastiques. Il y trouve au contraire un principe d'unité, une voix qui lui est propre. » Bernard Genin, dans La Vie, note que le thème principal du film est l'empathie. Il explique « Anca Damian illustre avec une inventivité permanente, dans une profusion graphique étonnante, comme si elle revenait aux sources de l'animation, mais magnifiée par les techniques d'aujourd'hui. Tout est en mouvement, les humains, la végétation qui s'épanouit, le décor urbain qui bascule dans la course finale à travers les rues d'une ville aux perspectives changeantes. Ce voyage extraordinaire n'est que beauté, tendresse et douceur. Un enchantement. » Véronique Kaopé dans Le Monde souligne l'irréfutable talent d'Anca Damian à disposer de son imaginaire pour instruire le réel, l'augmenter de traits de génie capables d'en révéler la richesse et la somptueuse complexité. Les mondes que donne à voir la cinéaste, poursuit-elle, nous sont proches, connus. Elle les rend fascinants par le mélange du dessin animé et du papier collé, la réunion de divers univers artistiques, fauvisme, cubisme, expressionnisme, la juxtaposition des matières. Dans West France, Thierry Chesse s'exclame « Le propos pourrait facilement être mièvre au pleurnichard, il se situe exactement à l'inverse. On a beau en connaître la funeste conclusion, on se délecte de chaque nouvelle scénette de cet extraordinaire voyage de Marona, en se demandant quelle nouvelle trouvaille visuelle sa réalisatrice a bien pu imaginer. En tenant en haute considération son jeune public, elle signe un brillant conte sur l'amour et la mort qui parle à toute la famille. » Enfin, on ne pouvait terminer ce rapide tour d'horizon sans citer l'envolée lyrique de Stéphane Dreyfus dans La Croix, dont le texte se termine ainsi. « En donnant une leçon d'empathie, Marona invite les hommes à saisir les bonheurs fugaces, à reprendre contact avec leur humanité, à donner de la valeur à la vie. Un film qui a l'image de la tache blanche du museau de l'animal, mais le cœur à l'envers. » Ça, c'est des critiques. Et... 3 salles seulement à Paris, comme quoi on peut avoir des critiques absolument incroyables comme ça et finalement ne pas se rendre compte. Ce qui est impressionnant, ce qui est drôle, c'est que elle a cité que des bonnes critiques, et il y a une critique qui est un peu moins bonne, il y en a très peu, mais que j'ai trouvé intéressante parce qu'en fait la personne, et j'ai oublié, c'est à la fin d'Allociné, dit en gros que le seul problème du film pour elle, c'est que ça part un peu des fois dans tous les sens, donc l'inverse de ce que dit, alors que je pense en effet qu'il y a une idée, qui a dit c'est dommage parce qu'il n'y a pas, en gros, il n'y a pas de vrai vilain. Et elle est embêtée parce qu'il n'y a pas à un moment donné le vrai personnage antagoniste qui est méchant. Et c'est vrai que le seul personne, c'est la femme ou maman à un moment donné, mais qui ne sont pas méchants. Tout le monde est aussi méchant, aussi bon. C'est une bipolarité, c'est ça. D'ailleurs, quand j'ai parlé avec chaque animateur, j'ai dit, ton personnage est bipolaire. Et aussi, je me suis dit, tous les personnages sont bipolaires. Mais aussi, c'est le personnage qui me représente moi-même. Et tous les personnages me représentent moi-même, parce que ça est en nous. en tous. Il y a des faiblesses, il y a des forces, il y a de lâcheté, il y a de l'égoïsme, même si on est dans des personnages qui ont les meilleures intentions. C'est pour ça que le film est aussi foisonnant comme ça. On a l'impression, alors, il y a les personnages principaux qu'on voit, mais en effet... mais il y a quand même deux personnages mauvais, qui sont seulement mauvais, sont les chasseurs de chiens, qui c'est le groupe de personnages, qui est seulement mauvais, et l'impresario qui tente Manol, et Manol vient avec la scène de Faust, lui ouvre la tentation, et puis, mais les deux personnages, moi j'ai dit deux parce que c'est, même si c'est le groupe des chasseurs, sont en 3D, parce que dans mon concept, le personnage en 3D sont moches, et alors les mauvais sont en 3D. C'est presque des entités, plus que des personnages d'ailleurs. C'est une entité, c'est l'argent, c'est... C'est l'argent. Et c'est la violence, enfin voilà, c'est la violence qu'on peut faire. Donc finalement, on n'est plus sur des personnages. Oui, tout à fait, c'est tout, ça, à fait, hein, tout à fait. On peut parler maintenant, encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas, bien évidemment, merci pour cette revue de presse, Marie-Pauline. Oui, Anaïs. Donc les personnages mauvais sont en 3D, mais il y a aussi l'escalier à la fin avec le grand-père qui est en 3D dans le film. Mais non, les décors, on ne sait pas, les décors en 3D, sont beaucoup de choses en 3D, ce n'est pas seulement les escaliers. D'accord. Et d'ailleurs, une des questions, quand j'ai fait la liste des questions, pourquoi Marona n'a pas eu ses escaliers? C'était pourquoi le grand-père a eu ses escaliers et Marona n'a pas eu? Et alors? Réponse. Oui, parce que pour le grand-père, c'était aller à Disneyland, c'était un peu ça. On s'est moqué de. Il était d'un coup content, il n'avait pas mal, ça lui faisait du bien, mais Maron a été plus fluide, elle n'avait pas besoin de Disneyland. C'est important pour toi, pour après ça, de faire un film, tu le dis bien, familial, en tout cas qui puisse. Parler à toute la famille. Moi, ce que j'aime, c'est un peu. Je pense que c'est ma qualité, mais en même temps, c'est aussi un enjeu. Comme je fais les choses encore plus difficiles, c'est de cacher le message parce que c'est un conte philosophique. Sont les mêmes thèmes qui étaient dans Krulik. Qui sont cette fois enveloppés dans la beauté d'un conte, dans l'humanité des hommes. C'est une modestie apparente, une modestie, quand je veux dire, ne sont pas des personnages extraordinaires. Extraordinaire, c'est seulement l'âme et la vie. Mais autrement, on se reconnaît, ce n'est pas quelque chose qui foisonne, ce n'est pas opportuniste du tout, l'enjeu. Et d'un coup, bien sûr que je veux que ça parle au public de tous les âges, bien sûr que je pense que les enfants qui... seront la génération de demain. C'est important de ne pas de parler sur la vie, de parler sur la relation avec l'autre, parce qu'on parle à quel âge on doit décider leur sexe, on parle on leur dit d'être compétitive, on leur dit la violence dans les séries de TV, ça n'est aucun problème, on les apprend que la violence c'est normal, mais on ne parle pas de ça. Et une chose, moi, même si j'ai mon âge, j'ai la naïveté de croire que l'art doit changer le monde. Et quand je fais quelque chose, je fais pour dire et pour ouvrir l'âme des autres. Et ça, j'ai considéré que c'est important de dire ça à toutes les générations, à tous les âges. C'est un peu ça. Les réactions que tu as des enfants, tu as déjà fait des séances avec des enfants, ah, les réactions oui. C'est quoi? Bon, les réactions sont, bien sûr, que pourquoi ce film est différent? Et cette question existe. Et cette question existe. Alors, pour cette chose-là, j'ai toujours cette réponse. C'est parce que dans l'animation, tu peux faire que l'intérieur se voit à l'extérieur. Autrement, c'est l'apparence de notre physique, mais effectivement, comme on est à l'intérieur, c'est ça qui compte, l'énergie. Toute énergie, toute ce. Et après, la question, il existe des questions, est-ce que je veux faire la suite? Alors, j'ai demandé, mais quelle est la suite? Mais elle a eu 8 frères, pourquoi numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4? Faire 8 films sur ses frères. Est-ce que il existe la question quand il existe des enfants qui sont touchés, il existe, mais en même temps être touché, sentir, c'est pas, c'est bien, c'est, ça ouvre un peu l'émotion, ce n'est pas une chose négative. Et bien sûr, il y a toujours des enfants qui aiment beaucoup. Il y a des enfants qui peuvent dire, mais c'est un film. Et quand je leur demande, est-ce que vous vous êtes amusé? Vous avez ri? Ah oui! Alors, ce n'est pas si triste. On va faire une première pause avant de reprendre. Et c'est toi qui nous a proposé, donc Nicolas, Elisa Rickman. Tu nous en parles un peu avant ou tu préfères qu'on écoute et qu'on... Oh ben c'est simplement qu'une chanteuse que j'ai découvert grâce à une amie il y a pas si longtemps et dont je trouve la voix absolument magnifique et les textes assez particuliers. Je me suis dit que ça serait l'occasion d'en faire profiter tout le monde. Et donc voilà, vous allez voir, ça change un peu de ce que nous a proposé. Voilà. C'est bien, Nicolas. Jusqu'à présent, on écoute Elisa Rickman et on revient juste après pour continuer à parler avec Anka Damian. À tout de suite. dirty mind, dirty mouth, pretty little hand. I wish you were here, I wish you'd make my bed. Dirty mind, dirty mouth, pretty little hand. But where's your mother? Fall down dead. Dirty mind, dirty mouth, pretty little hand. I wish you were here, I wish you'd make my bed. Dirty mind, dirty mouth, pretty little head. Voilà, toujours Bulle de rêve, l'émission 100% cinéma image par image sur Radio Libertaire, la radio de la Fédération Anarchiste. Merci Nicolas pour donc Elisa Rickman, Pretty Little Head. Donc voilà, vous pouvez écouter cet album. J'ai commencé, c'est vrai que cette voix qui est assez étonnante et qui fonctionne très bien. Donc voilà, une belle découverte. Marie-Pauline, c'est à toi, tu continuais sur ce qu'on avait fini. Moi, je voulais continuer sur l'aspect familial. Je me demandais si le fait de faire un film comme ça, en pensant un public aussi large, donc des enfants, est-ce que ça apportait des contraintes d'un point de vue scénaristique ou stylistique ou pas spécialement? Je crois que les enfants sont plus intelligents que nous. Bien sûr que quand on pense à un public familial, pour moi, c'est un peu... on ne doit pas parler, on doit parler avec l'humour, avec utiliser les éléments qui donnent envie de se jouer avec le visuel, de voir. Mais si vous voulez, le niveau de lecture qui est pour l'enfant, bien sûr, il va lire et va être attentif surtout à la vie de chien et à la relation avec les adultes. Il va voir des détails, mais traiter le sujet d'une manière, on doit minimaliser les choses. On doit donner beaucoup de joie et d'être ludique, mais c'est l'enfant dans nous qui a le même envie. On doit libérer aussi l'enfant de nous. Nicolas, oui. Ouais. Moi, j'avais une question par rapport au choix justement des directeurs artistiques qui sont très différents d'un film à l'autre. Et par exemple, est-ce que avoir choisi les directeurs artistiques... Mais je n'ai pas de directeur artistique. Ah, enfin, le directeur artistique, c'était plutôt le choix de Théodore Richef dans le second. Brecht Evans, maintenant, voilà. On n'a pas cité encore Brecht Evans, mais évidemment qui est important aussi. C'est pas seulement Brecht Evans, aussi Gina Torstensen et Sara Mazzetti. C'est pas seulement Théodore Richef. Théodore Richef a été génial tout au début de développement. Mais après 2-3 mois, j'ai continué à travailler. J'ai eu aussi Raluca Popa, j'ai eu aussi des autres qui ont travaillé sur le film. Mais est-ce que le choix, choix s'est fait pour le film. Et pour Marona, justement, pourquoi avoir choisi ces trois-là, par exemple? Tout au début, j'ai parlé avec Brecht. Je racontais ma première vision sur le film. C'était une rotoscopie poétique à la Toccafondo. Et comme les distributeurs, quand j'ai pitché à Cartoon Movie en concept, ils ont fait « Ah non, c'est pas possible, c'est déjà le chien est mort, tu viens avec ce style adulte. » J'étais à la poubelle et puis j'ai contacté d'ailleurs Lorenzo Matotti qui a voulu me connaître pour me dire qu'il sera aussi. Il voulait me connaître, qu'il sera sur son film. Et puis j'ai contacté Brecht, je connaissais ses bouquins. Il a aimé le projet, mais comme il travaillait sur les rigoles, il a dit on va faire une équipe. Et effectivement, Brecht a fait le personnage principal. Gina Torstensen a fait, et Sara Mazzetti, elles ont beaucoup travaillé sur le décor et aussi les figurants. Il y a un tout travail. Au début, on s'est rencontrés tous les trois, mais... puis j'ai commencé à déléguer parce que dans une scène, par exemple, même si Gina faisait l'appartement de Manol, j'ai donné aussi à Sarah à faire quelques éléments. J'ai tenu l'unité dans la diversité parce que c'est une diversité quand même. Brecht et Gina sont un peu plus proches, Sarah est un peu plus loin, mais ce n'est pas seulement Brecht. Mm. Mais leur univers, c'est, pour moi, c'est l'univers du film. J'ai eu le choix et aussi l'honneur parce que, d'ajouter la créativité de ces artistes magnifiques. Ça, donc, en fait, il y a fallu aussi quand même faire un choix pour que ce soit pas un univers trop adulte à la Toccafondo, justement, ça. Ah oui, mais c'est pas nécessairement que l'univers, parce que Brecht, ses bouquins sont pour adultes, oui. Même si c'est son style coloré. Mais donc les deux, à chaque fois, c'est des univers foisonnants aussi. Et c'est vrai que là, c'est important pour Marona d'avoir cet univers avec chaque personnage complètement fou, on va dire. Et, oui, mais j'ai envie, en même temps, moi j'aime la beauté. Pourquoi ? Et c'est aussi un film qui fait un peu l'éducation esthétique pour ce qui n'est pas une petite chose. D'ailleurs, j'ai lu en Variety un article assez après Los Angeles où le film a été. Donc, Film is Film, la Festival is Film, oui, voilà. Animation is Film, oui, c'est vrai, pardon. Will, pour ma surprise, elle a gagné le prix spécial du jury, ce qui j'étais totalement, parce que c'était 10 films fantastiques. C'était une grande année pour l'animation l'année dernière. Et une chronique assez bien à la fin disait, mais même si le. Le visuel est moche, mais c'est un peu ça, parce que la beauté, c'est le réalisme. Et ah bon, on doit fermer le musée. Mais pour moi, par exemple, le goût pour les couleurs, pour le visuel, ça fait partie de l'éducation qu'on doit faire. Il y a tant de couleurs que j'ai mal aux yeux, que je les vois. Ça fait, si vous voulez, le film fait aussi éducation à ce niveau-là. Ah oui, il y a une vraie beauté dans le film et même dans toute cette de ce côté foisonnant qu'il n'y a pas dans, je sais pas, le dernier Disney ou enfin j'en sais rien, j'ai pas vu le dernier Disney, mais où il y a quelque chose. Je sais pas comment l'expliquer, mais en tout cas, oui, c'est. Mais plus j'avance, plus mes films deviennent de plus en plus. Je cherche la beauté, bien sûr, la beauté expressive, mais je pense que c'est une chose qu'on doit remplir notre vie avec. On a parlé de Brecht Evans, on a parlé de Théodore Chef, qui sont les faits, on a parlé de décoratrices, ça. Tu as aussi créé depuis Krolik notamment, et c'est un renouveau, on va dire, du cinéma roumain, avec des gens qui te suivent, qui sont là, qui ont fait des courts-métrages eux-mêmes de leur côté ou quoi. Il y a vraiment une équipe maintenant aussi. Il y a un renouveau d'un cinéma roumain qui a été très fort dans les années 60, 70 notamment, qui a complètement, à un moment donné, quasiment disparu. Et là, qui revient sur le devant de la scène, et notamment aussi avec, d'un seul coup, toi et tes longs-métrages. Oui, sur la scène romaine, je n'ai pas la chance de prendre le prix pour la meilleure animation, parce qu'il n'existe pas de compétition nationale. mais tous ces gens, quand même, il y a des studios maintenant, il y a quelque chose. C'est toujours la même chose, c'est-à-dire le fait de voir que toi, à l'international, tes films marchent, ou en tout cas sont reconnus, une envie là-bas. Une envie, il y a aussi des petits studios, ils ont commencé, et tous les gens que, par exemple, les studios avec qui je continue à travailler, c'est le studio qui s'est formé pour Krolik, et qui ont continué aussi à travailler puis ensemble. Pour La Montagne Magique, quand j'ai fait l'animation là-bas, je ne voulais pas travailler avec le studio qui faisait des séries. Et j'ai fait un petit groupe avec des étudiants à Cracovie. Ils continuent à travailler ensemble. Alors, il existe... effectivement, mon film génère des équipes qui continuent. Une équipe qui a travaillé pour La Montagne Magique, j'ai eu deux équipes en Roumanie, ils ont continué, l'équipe que j'ai formée, la deuxième équipe aussi a continué de travailler ensemble. Donc voilà, donc un peu le renouveau. Juste, moi j'avais une question par rapport, revenir juste au côté familial, si je dis pas de bêtises, il a été écrit, en tout cas, il y a eu de l'aide, ou je sais pas, ton fils. Est-ce que c'est important d'avoir fait un film, d'avoir travaillé finalement en famille? C'est un film, oui, c'est une affaire familiale. mon fils est acteur. Et le moment qu'il est acteur, mais il a beaucoup de talent, il peut faire beaucoup de choses. Même il a du talent, il comprend les lois. il a du talent de marketing, il pouvait être avocat, il a du talent pour faire marketing, il a du talent pour l'écriture. Mais il a besoin d'habitude d'une commande pour il n'est pas pour d'ailleurs c'est son premier scénario, je n'avais pas le temps d'écrire, je cherchais. Les acteurs sont aussi extraordinaires pour le dialogue parce qu'ils écrivent le dialogue qu'ils veulent dire, ils ont le feeling pour le dialogue. Je ne veux pas vous dire dans combien de temps s'était fait le scénario. C'est 2 semaines. Bon, la montagne magique, c'était 1 mois. Alors, on devait bouger pour 2 semaines. C'est pas... lui, après ça, il a commencé à écrire. Il écrit pour des séries en Roumanie. Il est devenu fameux avec les séries. C'est une chaîne. D'accord, avec des acteurs. Là, en prise de vue continue, on est en live. C'est plus de l'anime. J'avais une question que je viens juste de perdre. Oui? Et que je viens de reperdre à l'instant, au moment où je l'ai retrouvé, c'est ça des fois d'avoir trop de questions, etc. dans la tête. Si, on avait une question, parce que c'était une question qui s'est posée, je me rappelle, en interview, tu m'avais dit, parce qu'en fait, il y a une espèce de frénésie, là, de long métrage, d'un court métrage, il y a beaucoup de choses, et je me rappelle que dans une interview, tu avais dit, j'ai attendu que mes enfants, je les ai élevés jusqu'à un certain âge, et puis après, une fois que j'avais considéré que c'était bon, je me suis remis au cinéma. C'était important, toi, d'avoir justement... Bon, j'ai plusieurs vies dans ma vie. Alors, ma première vie, c'était de directrice de la photographie. J'ai fait de longs métrages et pas mal de films courts comme directeur de la photographie. J'étais la seule femme directeur de la photographie pour beaucoup d'années en Roumanie. Jusqu'il y a 2 ans, il est apparu la deuxième femme. Puis j'ai commencé, pendant le temps que mon fils était petit, je faisais des films sur art. C'était une sorte sur des peintres, sur des écrivains, sur la musique. C'était un peu des films de niche, mais c'était mes premiers films comme réalisatrice. C'était à faire des films sur art, c'était aussi l'envie. Moi, j'avais fait 2 années de Beaux-Arts. Pour moi, l'attraction pour ce milieu, mes amis sont peintres et musiciens, et puis cinéastes. Je vis plutôt dans ce milieu-là. Et bien sûr que je faisais le choix pour faire des projets que je pouvais gérer ma vie de mère. Et le moment quand mon fils a eu 12 ans, 13 ans, j'ai dit, bon, il a 2 mètres, il peut se prendre un verre d'eau à la cuisine, il n'avait plus besoin. Puis je lui avais donné les valeurs. Je savais très bien qu'il est bien installé dans les valeurs de la vie. Et à ce moment-là, j'ai commencé à faire des films. Et bien sûr, cette frénésie de faire des films, si tu veux, j'ai un peu le sentiment que je dois rattraper le temps que je lui ai donné. Pour ensuite repartir. Oui, parce qu'en fait, il faut savoir qu'Anka, on en parlait sûrement déjà. Non seulement elle est en train de faire un long, mais je suis persuadé qu'elle a déjà son autre long déjà en tête. Forcément. C'est écrit. Elle a déjà le prochain encore déjà en tête. Marie-Pauline, je sais que c'est une question qui t'intéressait quand j'en avais parlé. Justement, j'avais dit qu'Anka avait été, toi qui es une maman, là, ils n'ont pas encore 12 ans, et tout, que c'était une question qui t'avait. Et forcément, c'est une question qui interpelle parce que je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui sont confrontées à se dire, est-ce que je peux me lancer complètement dans ma carrière ou pas? Est-ce que ça va nuire aux enfants? Est-ce que j'en ai envie? Enfin, voilà, je ne sais pas, il y a cette question-là en fait. Oui, la question, quand j'entends. Oui, bien sûr, les femmes peuvent faire beaucoup de choses, sont assez fortes, même parfois plus fortes que les hommes, désolé. Mais on peut le dire. Non, je veux dire, mais la maternité, c'est une chose à vivre. On ne peut pas dire, je vais m'en occuper de mon fils dans 10 ans. Dans 10 ans, il n'aurait plus besoin. C'est le moment que tu dois lui donner quand il a besoin. Et c'est un peu ça, c'est même si c'est un choix que tu dois le faire avec sachant que c'est la maternité là est une chose aussi importante. Est-ce que tu penses que ça t'a donné une certaine force par rapport aujourd'hui à faire des longs métrages en tant que en tant que femme, je vais me permettre de faire une petite je me suis amusé ce matin. Je sais pas si amuser le terme parce que ça me prend du temps. Je vais essayer de les retrouver. Juste, je vais vous faire très rapidement une petite minute. J'ai regardé les femmes réalisatrices qui avaient fait un film seul, pas à deux. Hein, on enlève Marjane Satrapi qui a travaillé avec Vincent Parronneau, etc., etc. Là, évidemment, on commence par quasiment une femme. Hein, c'est Lothair Hennigueur, 1926, avec les aventures du prince Ahmed. On sait qu'il y en a eu d'autres avant, mais voilà. Il faut attendre 1951 pour avoir les fameuses sœurs Bromberg qu'on fait The Night Before Christmas, les grands-mères du cinéma soviétique, comme on les a appelées. Elles ont fait un deuxième film en 1960. It was I who drew the little man. Je dis le titre en anglais et pas en russe. Je ne saurais pas. 67, Joy Bachelor, hein, Dallas et Bachelor, qui a fait un film qui s'appelle Radigan. C'était des films souvent de 60 minutes, qui est l'adaptation d'une comédie opéra de Sullivan et Gilbert, hein, les fameux. Ensuite, en 80, vous vous rendez compte, on est déjà en 80, on n'en a pas beaucoup de noms. Hein. Maria Mirabella, Musical Forest, alors ça je l'ai mis, c'est pas vrai, c'est pas une femme toute seule, mais c'est Natalia Bodial qui a fait avec Ion Popescu. Gopo, je suis désolé. Voilà, donc c'était un film roumain. C'est d'ailleurs Ion Popescu-Gopo, c'est le plus grand animateur qui a reçu la Palme d'Or pour Petite Histoire et qui est vraiment quelqu'un. Ah voilà, qui était le personnage important. Et puis après, je vais pas trop vous dire, mais on a beaucoup de gens qui vont faire beaucoup de femmes plutôt sur des films. Comme les Bisounours, c'est-à-dire des films où on n'a pas forcément besoin, entre guillemets, d'un auteur. Il y a beaucoup de scénaristes derrière et on a besoin. Faisselblay, heureusement, enfin évidemment, de John Faisselblay, donc qui avait travaillé avec son mari, le fameux qui a créé UPA notamment, va faire un film de Cosmic Eyes. Si vous ne connaissez pas Faisselblay, courez voir les films de Faisselblay, c'est assez incroyable. Et j'ai vu pas mal de noms assez étonnants, mais des gens qui n'ont jamais fait beaucoup de films. Rosé Stiebra, de Lettonie, par exemple, ou Maïté Ruiz de Osri, réalisatrice espagnole qui a fait 6 longs métrages, mais que des films pour enfants aux qualités très très moyennes, avec cette 3D moche, comme tu l'appelles. J'ai découvert des choses étonnantes aussi. Le voyage de la souris, Anne Capril, film de 65 minutes, film français, 98, film d'une réalisatrice française qui a fait tout seul son film. Michele Gabriel, une brésilienne, ça c'est un grand moment, qui a fait Ratatouille, Tiny Robots ou Panda Fighter, qui sont ces films, vous savez, qui prennent les grands succès de Pixar et choses comme ça, qui font des espèces de pseudo-trucs un peu nuls. Et en fait, il faut attendre 2008, à part celle que je dis, pour commencer à avoir des noms un peu importants. Tatia Rosenthal pour $9.99, qui n'a pour l'instant pas continué. Nina Paley, qui a fait Sitting the Blues. Et donc Cedar Mesochism, il n'y a pas longtemps. Arthur Christmas. Le premier gros studio Hardman qui donne à Sarah Smith un film, c'est le premier, une certaine donc Encadamia en 2011 avec Relic, Jennifer Yu Nelson avec Kung Fu Panda 2, faut le citer. Citons aussi les Japonais qui ont mis quand même du temps, hein, des cinémas les plus incroyables au niveau du long métrage. Il faut attendre 2011 pour avoir une première réalisatrice, Naoko Yamada, qu'on connaît. Alors son film en 2011 était Con, K plus loin O-N, mais surtout elle a fait en 2016 Silent Voice et en 2018 L'île et l'oiseau bleu, donc on connaît un petit peu plus. En 2012, Brenda Chapman se fait virer, hein, pour son Brave de Pixar. 2013, un film qui s'appelle Hocus Pocus Albert Aberg de Toril Kove, donc hein, fameuse réalisatrice de court-métrage qui fait un long-métrage qui va apparaître quasiment nulle part, hein, Nicolas. Nancy Florence Savard, autre canadienne, la légende de Sarila, on aime ou on n'aime pas, mais elle en a fait quand même 2-3. Sydney Bowman en 2014, La Montagne Magique, donc Adamien en 2015, Nora Twonet qui arrive, et voilà, on est en 2017, vous avez vu, je vous ai pas dit beaucoup de noms. En 2016, on aura aussi un film magnifique qui n'est jamais sorti, qui s'appelle Window Horses, d'Anne-Marie Fleming, réalisatrice canadienne, film aussi bouleversant sur qu'est-ce que l'identité d'une personne. 2018, Anya Kaufmel, pour Crise de Suisse, Jana Presley pour North of the Blue, et bien sûr, en 2019, Les Hirondelles de Kaboul, d'Elea Gobé-Mévelec, mais d'une autre réalisatrice dont j'ai oublié le nom, et Marona Danka Damian. Anka, si j'ai fait ça. J'ai fait 3 films, voilà, dans la liste. Mais c'était. Quand quelqu'un m'a dit ainsi, mais tu es la seule femme qui a fait 3 films de long métrage jusqu'à maintenant. Et je fais le 4e, pour le 5e. Bon, j'étais un peu. Mais. Justement, j'ai fait cette liste juste pour dire. C'est difficile, on laisse très peu les femmes, finalement. Il y en a d'autres en co-réalisation. On laisse peu les femmes faire des longs métrages seules. Oui, toi, mais ça t'a aussi, posé problème, c'est, ouais. Aussi, c'est l'envie des femmes. C'est pas nécessairement. Moi, je ne veux. Il y a pas mal de femmes dans le court-métrage d'animation. Et elles trouvent pas mal de plaisir. De, c'est pas. Ici, dans l'animation, faire de court ou de long, ce n'est pas péjoratif. Et ce n'est pas beaucoup de femmes qui ont vraiment envie de faire des histoires, parce que dans le long métrage, par exemple, moi j'ai fait le long métrage avec la liberté du cours, ce qui n'est pas habituel. Par exemple, Michaela Pavlatova m'a dit, bon, je voulais faire un long métrage parce que j'ai dit que tu peux faire, alors je dois faire aussi. Mais elle aime beaucoup plus la créativité, elle se sent beaucoup plus libre dans le format court. Et par exemple, nous avons pitché le projet en concept la même année. Et elle entre pas... maintenant en production. Pour moi, c'est... Moi, j'aime raconter dans le format long. Pour moi, c'est l'exception de faire un cours. T'en as fait un, en effet, voilà. Qui a eu une, très beau, ouais, oui, très beau qui cours, a eu du succès dans le monde anglophone totalement inattendu. Sundance, Toronto... à Edinburgh, au Best Short, c'était, mais pour moi, je ne comprends pas pourquoi le monde anglophone a été tant touché. Ah, c'est un très joli film, moi je trouve, hein, que c'est vraiment un c'est, un bon, film, parler ouais. Sur l'éternité, tu vas parler en 10 minutes. Si je parle dans une heure et demie, on s'endort. Non, mais c'est intéressant. Et j'avais, avant de revenir sur une question, je pense que c'est le temps. On l'a déjà écouté la dernière fois, mais je crois que je ne peux absolument pas me passer. J'y peux rien, c'est vraiment c'est quelque chose, je pense que je peux, et en plus quand je commence à l'écouter, je l'écoute en boucle, je suis un peu, j'ai un peu ce problème d'écouter une chanson en boucle, donc on va écouter la chanson finale de Marona, Happiness is a Small Thing, qui est juste tellement oui un film magnifique, qui est tellement une musique absolument magnifique, tu oui, veux nous en parler un tout petit peu avant qu'on l'écoute oui, c'est une chose parce que moi, pour moi faire le film c'est un peu comme faire Happening, je travaille avec Elena Vladaranu depuis Krulik, je lui donne, après le scénario est complètement écrit, elle est une poète. J'ai dit, si tu trouves dans les dialogues des mots que tu peux trouver plus inattendus dans le dialogue, elle fait une passe, bien sûr, je ne prends pas ce qu'elle fait totalement, mais elle fait une passe pour donner un peu d'utiliser des mots un peu plus... plus joyeux, plus de ne pas avoir un vocabulaire assez terne ou oui, habituel. Je lui ai demandé de faire la poésie, qui elle a fait samedi la poésie, dimanche la poésie a été traduite par un Anglais, Tom Wilson, qui vit à Bucarest. Il connaît aussi la langue roumaine. Et lundi, on l'avait enregistré. Je passe le texte à Pablo. Pablo le soir, il dit bon, on arrange la musique. Lundi matin, j'étais à Paris avec Isabelle, la suédoise qui a une voix extraordinaire. Oui, oui, oui. Et on fait l'enregistrement et tout a été d'une manière des gens qui ne se connaissaient pas, mais que tout a depuis samedi jusqu'à lundi, c'est comme une chanson qui est née ensemble avec des gens qui ne se connaissaient pas. Et une espèce d'alchimie qui est mise en place et qui donne cette chanson absolument magnifique. On écoute Happiness is a Small Thing. Happiness is a small thing, almost nothing. A saucer of milk, a bit wet tongue, a nap, a place to bury a bone. Happiness is a small thing. A smile, a voice, a heart. Jump up, jump up, high as you can, high as you can. Liars, curse bastards, and flea bags, and you end up down there. Jump up, jump up, high as you can, high as you can. Jump up, jump up to seventh heaven. Jump up, jump up, high as you can, high as you can. Jump up, jump up to seventh heaven. It's a small thing, almost nothing. A saucer of milk, a big wet tongue, a nap, a place to bury a bone. Happiness is a small thing. Toujours Radio Libertaire, l'émission Bulle de rêve, bien sûr. Et on reçoit aujourd'hui Anka Damian pour nous parler de l'extraordinaire voyage de Marona. Je crois que c'est la première fois dont je me souviens du titre parfaitement. J'ai toujours Marona et ça me fait toujours bizarre de dire le titre en entier. Donc voilà, tu nous disais à l'instant, et c'est intéressant, que tu fais du long métrage comme du court métrage. Et c'est quand même quelque chose dont j'aimerais qu'on parle un tout petit peu avant de revenir sur notamment la musique de Pablo Picot qu'on a entendue. On va revenir. Crowley qui a coûté 300 000 euros, un peu moins de 300 000 hein. Oui, 290. Voilà, on est dans un prix, il faut le savoir, presque haut, on va dire, de courts-métrages en France, de certains oui. courts-métrages. Ça a coûté moins cher que court-métrage de Regina Pessoa, qui va coûter plus cher que ça. Je ne sais pas combien a coûté La Montagne Magique. Je sais pas si, 700. Voilà, et on peut avoir le prix du dernier de Marona tu sais. Le budget du Marona, bien sûr. Un peu plus, je oui, bien sûr, tu es ta productrice. 2 700 000, mais le coût de l'animation, c'était 1 million. Donc à chaque fois, c'est vraiment des choses très basses. Hein. Le dernier, même 2 700 000, c'est le prix le plus bas, on va dire, quasiment, qu'on peut faire. Ça, ça te permet de garder cette liberté, comme tu disais. Ça te permet vraiment de garder une indépendance. Ouais. Oui, ça me permet... Aussi, mon style de travail est assez artisanal. Je travaille avec des petites équipes sans avoir des assistants, sans avoir toute la structure d'un studio. C'est une fabrication dans un contact permanent avec quelques personnes, quelques animateurs. C'est un peu un travail investi. Investi comme créativité, mais pas si cher. En même temps, c'est le coût de la fabrication aussi, ça me permet de ne pas avoir la pression de gros financements qui sont derrière moi et qui font une pression. Et aussi la durée de la... Parce que depuis le moment que tu as l'idée, tu fais jusqu'à un moment la fabrication, si ça prend trop de temps... Tu ne veux plus le faire, tu n'as plus l'énergie. Le projet est vivant en toi pour un certain temps. Puis, c'était, pour moi, c'est aussi une chose, une urgence, je veux dire, de le faire dans un temps que le projet est encore vivant en moi. Tu disais quand même là 1 million pour l'animation, c'était important pour ce dernier d'avoir un peu plus. On a une animation qui est un peu plus fluide, en tout cas qui va un peu plus loin, oui. On va dire, que les deux premiers. Oui, ouais. L'animation est plus complexe, est devenue de plus en plus complexe, ouais. Devient de plus en plus complexe dans le projet. Mais c'est probablement, ça fait partie de l'évolution aussi, parce que nous évoluons avec notre film, aussi les choses d'évolution personnelle, les choses qu'on veut dire, les choses qui nous préoccupent, ça se voit dans la thématique, aussi les choses qui sont autour de nous, ça nous change, et aussi professionnellement, c'est une évolution qui toi et le film, c'est un peu, c'est mélange, la vie, ma vie se mélange avec mes films. Il n'empêche que tu veux toujours avoir une pareil, on parlait dans une autre interview par exemple par rapport aux animateurs aujourd'hui, tu essaies toujours, et je sais que Jérémy Clapin dans un style complètement différent pour J'ai perdu mon corps me disait la même chose, des fois les animateurs animent trop et j'essaye. Et pourtant, lui aussi a un style aussi, dit à chaque fois, j'essaie de les réduire en disant non, t'es beaucoup trop fluide. Moi, je veux que mon personnage, il ait ce mouvement-là. Et t'essayes toi aussi un petit peu d'atténuer un peu ça. Ce que je veux, c'est que c'est une, même si c'est quelque chose de maladroit, qu'il soit vivant. Que tu sens la vibration de quelqu'un qui a une pensée qui va à la main. Ce n'est pas une main qui justement exécute. On n'est pas dans l'exécution. Que tout ça, qu'on comprend ce qu'on fait. Même les animateurs, ce n'est pas un procès industriel. Est-ce que ce serait un moyen aussi de laisser les accidents arriver? Ah oui. Mais les accidents et aussi il y a des idées qui viennent pendant le temps que tu le vois pendant la fabrication. C'est le procès de la fabrication est pour moi je le tiens créatif. Et toujours les accidents, par exemple il y a des accidents même Brecht dit pour faire le personnage, c'était pour l'autruche, c'était un peu un accident, un mélange de choses qui lui a donné l'idée de faire ce personnage là comme ça. C'est le subconscient. Moi je crois dans le subconscient, je crois dans l'énergie, je crois dans ces choses là et c'est que je veux soigner. C'est l'énergie du groupe, les choses qu'on reste accroché et créative au film, aux idées. Nicolas. Et comment est-ce qu'on décide de donner tel mouvement à tel personnage? Est-ce que c'est quelque chose qui est pensé bien en amont, c'est la liberté qui est laissée à l'animateur? Non, c'est pour moi le thème, le scénario vient avec un concept visuel. Et bien sûr, ici par exemple, dans le travail, ce concept visuel passe aussi aux artistes qui font le design. Ça évolue aussi, eux, ils évoluent le concept dans le visuel. Et puis quand j'arrive, par exemple, à l'animateur, la manière dans laquelle je travaille, ça c'est une chose, par exemple, j'étais à Valence jeudi, et c'était là une petite équipe qui a été à Arles, qui était, la question était dans la salle, mais comment ça se fait que le film est unitaire et tu travailles, tu donnes aussi de la liberté. Mais par exemple, je travaille un peu comme avec un acteur, avec l'animateur. je dis qu'est-ce que c'est la scène, je veux de la scène, je coupe la scène. Par exemple, je donne une indication assez surprenante que la scène quand Ishvan danse à la fin. L'animatrice m'a dit, mais il est triste, pourquoi il danse? Mais c'est ça la vie. On est triste, ça se mélange. Et les choses, c'est plutôt la vision aussi de Marona qu'elle voit qu'elle va partir et c'est un moment de musical. Je donne même une référence de danse. Je donne aussi une vidéo avec une chienne pour c'est l'animatrice qui fait la chienne. Et puis, je le laisse dans la fabrication. Elle commence à discuter entre elle-même comme un acteur parle avec son partenaire de scène. Comment on gère la scène ensemble. Mais l'indication existe du début. Je fais le retour sur le RAF, sur le plan RAF. Ils font des corrections. Et comme ça, on n'a pas de retake. Parce que tout le procès est validé dans des étapes. Et par exemple, avec l'animateur roumain que j'adore, Dan Panaitescu, qui a fait Manol, pour trouver le personnage, j'ai trouvé une référence avec Bob Fosse, les années 90, quand il faisait le serpent du Petit Prince. D'ailleurs, Michael Jackson s'est inspiré de cette chorégraphie. Parce qu'il cherchait à faire la marche. Et j'ai dit, bon, lui, il marche, lui, il est humain. Tu dois aller plus loin. Mais depuis qu'il a fait ce marche, il a trouvé la clé du personnage. Et pour les scènes de transformation, j'ai donné des costumes et des visuels de Cirque du Soleil. Et avec lui, par exemple, quand je lui ai dit, il se transforme en papillon, il a laissé les pieds, les jambes. Les jambes ne se transforment pas. J'ai dit, maintenant, il se transforme en papillon. Ça, je lui ai dit à 8h du matin, à 11h, le plan est encore plus loin que je lui ai dit. La transformation, et il intègre les concepts et il va encore plus loin. Je dois seulement le pousser. Pour ça, je trouve qu'il y a une très belle phrase de Yuri Norstein, donc le grand réalisateur russe, qui parle d'un autre réalisateur et qui dit qu'il dessine moins bien que l'autre réalisateur, mais il dit, dans une interview, il dit, mais finalement, peut-être que je dessine moins bien, mais j'animerai toujours mieux que lui, parce que je sais ce que mes personnages... Je sais ce que je veux mettre dans mes personnages, je connais l'esprit de mes personnages, je sais ce qu'ils ont, l'énergie, comme tu dis. Ça, c'est important aussi, c'est-à-dire que tu connais chacun de tes personnages. Quand un animateur, une animatrice va venir te voir en disant, tu vas pouvoir lui donner les mots-clés qui vont être de la scène, qui vont être du personnage. Il y a cette idée de les comprendre réellement qui ils sont. Oui, bien sûr que dans la vision globale, ce que j'aime dans ce partage de travail, c'est que tu peux, parce que chacun sait sa chose, mais tu sais tout. Tu sais aussi que les autres font. Et à un moment donné, il existe, chacun par contre peut évoluer dans sa direction plus loin et tu peux coordonner que dans l'ensemble, on arrive encore, on tient la vision globale, mais on va encore plus loin de où on s'est proposé à aller. Mais finalement, c'est là où... Pardon, Nicolas, vas-y. Ouais. Je me demandais justement aussi, est-ce que c'est un animateur qui va animer un personnage pendant tout le film? Est-ce que c'est le même animateur qui anime Marona, par exemple? Oui, pour Marona, on a eu trois, parce que c'était le personnage qui était tout le temps. Une pour la période enfant, une autre pour l'adolescence, et une autre pour la maturité, avec chacune, parce que les étapes de la vie se changent, elles changent aussi un peu l'attitude. C'était une romaine, Claudia Ilia, Marjorie Coupe, c'était pour l'adolescente, et Mathieu Labbé, un animateur belge que j'adore, il est formidable, je continue à travailler avec lui, il est quelqu'un que tu dois... réalisateur de Labyrinthe et d'Orgisticulanus, que j'arriverai jamais à prononcer, je pense, jamais, absolument. Le temps passe malheureusement, ça avance. Moi, je voulais qu'on parle un tout petit peu du travail avec Pablo Picot. Ah oui. Hein, on a entendu le morceau, puis on a entendu un morceau qui s'appelle donc les travailleurs, The Workers, juste après. Tu peux nous parler un petit peu comment c'est passé pareil, donc c'était avant que l'animation se fasse. Tu lui parles quoi? Il y a un storyboard, il y a le scénario, enfin, comment ça se passe? Avec Pablo, on a commencé, d'ailleurs il a raconté ça plusieurs fois, je lui ai demandé de faire les quatre thèmes. Les quatre thèmes sont la thème de Marona, la thème de Manol, la thème d'Ijvan et la thème de Solange. Alors ces quatre thèmes, on était composés avant, bien sûr, on a discuté sur des références avec des allers-retours sur ces quatre thèmes. Puis moi je les ai montés sur l'animatique. Bien sûr, après ça, il a retravaillé, parce que chaque thème, même si c'était à diverses versions un peu par rapport au moment du film. Et puis, on a fait l'enregistrement final dans le studio de Rudolf Berger, dans les montagnes à Strasbourg, qui était vraiment tout au début quelque chose. Si un film se fait artisanal, alors tout se fait artisanal. Quand j'ai entré la première fois, bon, c'était un grenier d'une vieille maison avec des outils des années 90. Mais on a été avec chaque musicien, parce qu'on ne pouvait pas les isoler, on était dans le même espace, et chaque musicien venait un, deux jours, et on était, moi je gesticulais pendant, on avait une cohésion, une fluidité, on était ensemble, vraiment ensemble, isolés et ensemble. Et ça, c'était une expérience vraiment, parce que maintenant, ce sont des vitres entre nous et les musiciens, tout est très propre dans les grands studios, mais comme on était dans les années 90... Juste, on sent que c'est important. Je sais, sans en dévoiler trop, mais que, par exemple, les signes astrologiques sont importants pour toi. Il y a des choses, hein, voilà. Ça, c'est important, la relation avec les gens, justement, de savoir. C'est drôle la quand on voit. La psychothérapie de groupe, tu peux le faire, ouais. Si tu fais un peu le profil psychologique. De... Non, mais j'aime, c'est mais drôle tu parce sais, que 30% tu du travail du réalisateur, c'est psychothérapie de groupe. Ouais. 30%. Mais c'est là peut-être un peu différent. Et je pense que les gens qui viennent de l'extérieur de l'animation sont peut-être un peu différents, parce que finalement, ils voient le réalisateur différemment. C'est vraiment un travail de groupe où finalement tu t'intéresses à chacune des personnes qui va être dans l'équipe. Alors que les réalisateurs, quand on les entend, les réalisatrices à la Hollywood ou à la studio, finalement, non, c'est tellement énorme que voilà, ça s'intéresse non, pas. Non. Mais comme j'ai fait cette manière de travailler un peu à la happening, ouais, c'est enfin, un peu happening, je gère, ouais. je suis dans un contact direct avec chacun. Bon, Emmanuel Alain, Reynald, donc Reynald, oui. Et Marie, tu travailles comme Pina Bouch. Bon, c'est un peu. je pense qu'un film est abouti si l'autre ajoute sa patte de création. S'il est dans l'exécution, le film n'est pas abouti. Mais tout doit aller dans la même direction, parce que bon, au début, je laisse aussi les autres donner les idées, mais il y a des idées qui font partie des autres films, et je les remercie pour... Mais aussi, c'est aussi un peu d'ego qu'ils ne se sont pas exclus, que c'est aussi leur film qu'ils participent. Et c'est leur film, parce que c'est un dialogue, mais tout doit aller dans la même direction. Bien sûr, la direction, je la trace, mais ils doivent aussi ajouter leur couche de création pour un film est abouti si tout le monde... Bon, tu n'arrives pas avec... Il existe dans l'équipe aussi quelques personnes qui ont fait seulement exécution parce que c'est la vie, mais c'est une minorité. Oui, tu essaies d'avoir... Voilà, Anka et Bélier, je crois. C'est ça, je me souviens. Oui, hein, voilà. Vous rendez compte. Anaïs. Et justement, dans le film, le motif des planètes, il est récurrent. Il apparaît très souvent. C'était une intention dans le scénario de faire... Dans le scénario, les planètes n'existent pas, mais dans le film... Parce que... On oublie si souvent dans notre quotidien qu'on est des particules dans cet univers, et cette idée que... cette vie qu'on est toujours tous connectés. Bon, les thèmes qui sont récurrents dans mes films, c'est bien sûr la vie, l'amour et l'identité. Et que tous nous sommes connectés, que ce n'est pas tout ce qu'on fait, influence le monde et les autres, et ça revient aussi à nous, que nous sommes toutes ces choses-là. C'est bien sûr sont les choses que je les considère les plus précieuses, et d'une manière insinuante, le fait qu'on vit dans cet univers, ça doit être transmis aussi dans un film, surtout pour la famille. Moi, je crois que les enfants ont une ouverture que la société les ferme, et que pour les laisser, c'est un peu de dire. Moi, quand j'ai vu ce temps-là, ce film peut être vu à partir de ce temps. À mon avis, il existe une liberté avant ce temps, avant d'être formaté par l'école, qui eux, ils sont plus à l'aise avec la liberté aussi formelle du film, ils sont plus à l'aise avec... bien sûr, comprendre aussi que les messages importants, parce que puis là, ils entrent dans une sorte de formatage écolier, et ça se fait comme ça, ça se fait, oui, mais ils perdent les choses avec l'espérance qu'ils vont les gagner plus tard. Quand ils commencent à se former eux-mêmes. Donc les planètes, c'est rappeler notre place dans l'univers aussi, ah oui. Être qui on est. Je trouvais que ça donnait une place toute relative justement à la causalité qui est beaucoup plus classique dans les scénarios. Là, ça donne une très grande liberté dans l'enchaînement des événements qui a l'air de dépendre presque des planètes. La manière dont Marona elle passe d'une famille à une autre n'a pas forcément de lien, et je trouvais ça très humain. J'avance ça dans mon prochain film avec ces idées-là. Allez, on fait une dernière coupure musicale. On revient dans mon univers. Donc voilà, un groupe que je viens de découvrir il n'y a pas longtemps qui s'appelle Zeal and Ardor. Vous allez voir, c'est un mélange. J'essaie de prendre le morceau, un morceau pas trop métal. Donc c'est un mélange, c'est un groupe suisse avec un chanteur, ça va des fois dans le negro spiritual, ça revient des choses plus blues, des fois c'est du death metal, c'est un peu étrange. C'est la numéro 12 qui s'appelle Built on Ashes, et donc voilà, construire sur des cendres, c'est un petit peu ça aussi l'idée. C'est parti. Like a strange flow, tired of season. Oh, oh, oh, oh, you are bound to die alone. You will swing free on the breeze there. Oh, oh, oh, oh, you are bound to die alone. Just to kill us. Don't cry on me. for me now. No, they ain't never gonna help us. Lost to his grave, we'll build our home. They're coming closer just to kill us. Don't you fix your eyes on me now. You know they're never gonna help us. We never said we'd come back home. End of the way when the thieves tell. Oh, oh, oh, oh, you are bound to die alone. Nous sommes à l'antenne, il faut arrêter de parler. Nous parlons évidemment, comme d'habitude, de plein de choses. Donc, Deal and Harder. Vous pouvez trouver, voilà, ils ont sorti un nouvel album, Live in London. Mais je trouvais que c'était bien laissé à Marie-Pauline un peu l'album du mois et pas toujours me la roger à moi. Donc voilà. Non, c'est tout à fait normal. Nous sommes toujours avec Anka d'Amiante et Bulle de Rêve, bien évidemment, l'émission Image par Image. Et on va parler un peu, évidemment, de la suite, même, voilà, parce que, comme on disait, il y a déjà plein de choses. Et tant qu'à faire, comme tu dis, t'aimes bien à chaque fois compliquer la tâche, en tout cas vers autre chose. Donc maintenant, c'est une comédie musicale. J'ai bien compliqué la tâche. Oui, c'est ça. Hein, si vous voulez, cette fois-ci, comme je suis dans une œuvre totalement postmoderne, parce que ça prend de Robinson Crusoe, qui a été réécrit par Jelou Naoum, un poète surréaliste roumain. Puis dans une pièce de théâtre, cette pièce de théâtre a été fait un concert par Bolognesco et Adamil il y a 10 ans. Moi, entendant ce concert, j'ai pris l'idée du concert j'ai réécrit avec Augusto Zanovello ce nouveau scénario qui je transforme notre Robinson maintenant dans une île de la Méditerranée. Vendredi est un réfugié, bien sûr. Et c'est une comédie musicale avec une... Pour donner un peu la vision, alors c'est un upside down Robinson Crusoe story, mais en même temps, cette île est un peu comme la planète du Petit Prince, c'est un peu, ça résume un peu notre monde maintenant, c'est un peu une ville, un peu la fin du monde, mais on le vit, c'est comme la beauté de Mélancolia de Lars von Trier. C'est une beauté qu'on, même si on sait qu'on va mourir, mais c'est si beau. Donc ça, c'était le c'était la quoi? C'était comment c'est ça qui t'a donné envie? C'était pas forcément là le côté migrant réfugié, c'était plus aussi la côté parce que moi j'ai fait une recherche sur ce sujet-là. Moi, je ne peux pas sans me nourrir de la réalité. Ouais. J'ai vu une photo qui m'a que j'ai trouvé géniale pour vendredi. C'était une photo faite par un photographe, César Despouli, qui a photographié 200 personnes qui ont été sauvées par une nave allemande dans la Méditerranée. Après cette photo-là, j'ai rencontré Amadou, qui est vraiment mon vendredi, si vous voulez. Et alors, j'ai fait une recherche à ce niveau-là. Bien sûr, Robinson, l'histoire colonialiste, et ça, c'est une chose que, quand j'étais à Sundance, c'était une conférence, comment faire pour les minorités américaines reprendre des histoires qui sont entrées colonialistes dans la tête des gens et les redire. Pour moi, Robinson Crusoe, c'est une histoire très colonialiste. Et alors, mon Robinson, c'est un docteur qui veut faire du bien, mais il s'est isolé dans une cabane parce qu'il est un peu bloqué par les lois. Tu ne peux pas aider que tu c'est un délit d'aider. Et, bien sûr, la peau de est renversée parce qu'on est dans un renversement de situation. Et Robin et Vendredi est un réfugié. Alors, la relation sauveur-sauvé. Mais tout ça se fait, bien sûr, avec d'humour décalé, paradoxal, et surtout sur la musique. Je travaille avec une chorégraphe. C'est génial, je m'amuse à fond. J'ai démarré ce travail petit à petit parce que l'animateur m'a dit « mais ça sera trop compliqué, on attendra beaucoup ». Mais j'ai Andrea Vassiliou, Gavriliou, qui est une chorégraphe qui est aussi actrice, et elle fait des références. Alors les animateurs ont une référence visuelle, comment le personnage marche et bouge pour chaque scène. Et je m'amuse à fond. Et c'est super difficile d'expliquer et aussi de financer ce type de projet. Le scénario, ce n'est pas la base. Tu dois regarder l'animatique, regarder le visuel et un peu lier l'animatique avec la maquette, avec la musique finale. Et on peut essayer de connecter tous les éléments pour comprendre. Pour comprendre et donc finalement avoir un peu d'argent. Marie-Pauline. Oui, mais j'avais envie de dire, en fait, ça rejoint un peu ce que tu disais tout à l'heure, que derrière chaque film, il y a quand même l'idée que peut-être ça peut changer, je ne sais pas, le monde, mais en tout cas le regard, les consciences. Ah oui. Ça, c'est important. Ah oui, c'est vraiment cette vie. Tu peux pas faire un film sans qu'il n'y ait pas... Est-ce qu'on peut vraiment changer le monde avec un film? Je pense que si dans la salle, il existe... Le monde se change si tu te changes toi-même. Le début du changement, c'est en toi-même. Et si tu trouves à faire que les gens se changent pas parce qu'ils lisent une chose qui intellectuellement le parle, parce qu'ils quand ils sont touchés. Alors j'essaie de toucher et s'il y a quelques personnes qui commencent à se poser des questions et à être attentives autrement à la sortie de la salle, c'est déjà gagné. On va presque s'arrêter là, il nous reste 10 minutes. Anka, on voulait juste savoir. Non. malheureusement, ça passe toujours trop vite. On voulait juste avoir. Tu réponds si t'as quelque chose en tête. On aime bien faire ce petit questionnaire avec des gens. Est-ce qu'il y a un morceau de musique qui a été important pour toi? Un morceau classique, un morceau qui a été important dans ta vie? Si t'as pas, c'est pas grave, hein, ne t'embête pas, c'était pas des questions pièges. Un morceau. C'est comme tu me demandes, parce que moi, comme je t'ai dit, je me nourris de la musique. Ou un album, ou un chanteur, enfin, est-ce qu'il y a quelqu'un... Anthony... Bon, je peux te dire des choses que j'écoute quand je vais... Oui, deux, trois, hein, Mais bon, c'est pas... Je ne veux pas te donner du... Non mais d'accord, c'était comme ça, c'était Savoir de Troyes. Est-ce qu'il y a un film d'animation par exemple, ou pas d'animation, deux, trois pareil, c'est pas, qui ont été des films importants même pour toi dans ta carrière, te dire bah tiens j'ai envie peut-être d'aller vers le cinéma, ou il y a des films qui t'ont motivé comme ça. Des films d'animation ou pas forcément, bon, parce que, ouais. Pour Marona, je donnais toujours la référence Le Garçon et le Monde. Ouais, comme ça. Abreu, c'était déjà écrit dans la Note d'intention. C'est La Fille et le Monde. Je disais, bon, si le garçon connaît le monde parce qu'il cherche son père, et c'est une quête, il sort. La fille connaît le monde par son émotion. Bon, mais il y a beaucoup de films. Il y a un film, là, en cas de, je sais pas, 15 ans, 20 ans, enfin d'un seul coup, quand elle se lance dans le cinéma, voit un film et se dit, oh, peut-être que ça m'intéresse d'aller vers ça, ou pas forcément. Comment s'appelle Mary. Le film australien que j'ai adoré. Mon Dieu, je c'était suis... C'était quoi l'histoire? C'était pas prévu, hein, donc c'est pour ça que je ne... Tu devais me dire parce que... J'aurais dû te le dire avant, en effet. Ma mémoire avec les titres et les noms, ça va devenir assez... Eh bien, ce qu'on va faire, c'est que je t'enverrai... Marianne Max. Oui. Tout à fait, d'Adam Elliot, d'accord. Oui, je l'ai adoré. Ouais. Oui. C'était quoi? C'est le côté cette sensibilité. Encore une fois, cette question d'identité. On est encore là dans l'identité aussi. L'identité, dans... le décalage, la fragilité, tout ça. Ça m'a beaucoup parlé. Ouais. Est-ce qu'il y a un livre qui a été important aussi pour toi, toujours dans ça? Bon, si tu veux, mon écrivain préféré reste Murakami. Moi, j'ai dit, si je vais arriver jamais à faire un film comme il écrit ses livres, ouais. C'est. Mais je ne vais pas détruire son univers littéraire. Essayons d'apprendre un de ses textes parce que ce qu'il réussit à faire en littérature. C'est quoi? C'est le mélange? C'est le mélange du monde. Ouais, ça se fait si naturellement, ça coexiste, le monde. C'est une chose que. Moi, j'essaie, par exemple, hier ou il y a quelques jours, Brecht a mis une image qu'il a fait dans ses recherches pour son nouveau bouquin avec un serpent qui est dans le ciel, qui est un peu japonais, tout ça. Et tout, je dis, je l'ai vu hier, et je dis, bon, ce mélange de monde, tu as, c'est super, c'est dans le même esprit. Comment faire dans le film, dans le cinéma, dans la même manière de mélanger le monde si naturellement? Parce que, bon, moi, je suis un peu bouddhiste, je crois que scientifiquement, il est prouvé que la dernière particule, les vibrations, c'est plus un minus un, alors nous sommes des paquets de vibrations, alors le monde parallèle, le monde, l'énergie, tout ça, c'est ça qui est... Des cinéastes comme Tarkovsky qui parlent beaucoup du spirituel ou de la foi t'intéressent ou ce genre de personnes? Ah oui, ouais. Moi j'ai grandi avec Tarkovsky et Kurosawa, s'il te plaît. Ils étaient sur même maître, je faisais le matin, Tarkovsky, Kurosawa. Et si j'ai appris quelque chose que j'ai tenu très très très fort dans ma tête, c'était que Kurosawa a réussi à faire des films qui, Les Sept Samouraïs, c'est une histoire d'aventure pour ceux qui veulent voir une aventure, mais c'est une histoire d'initiation pour ceux qui vont qui voient ce niveau-là. Alors le film doit avoir plusieurs niveaux de lecture. C'est pour ça, par exemple, quand j'ai fait Krulik, l'histoire du Krulik devait avoir ce niveau de lecture de faits réels, d'enquête, tout ça, mais qui voulait voir le niveau métaphysique, puis c'était le niveau kafkien, et puis c'était le niveau métaphysique. Si tous ces niveaux, tu vois le film à ton niveau. Et comme moi, comme la Roumanie était un pays anti-soviétique, à l'interview de la télévision russe à Locarno, moi je dis, ah, télévision russe. Mais le niveau de lecture de la télévision russe a été très métaphysique et c'était l'interview que j'ai adoré. Okay, plus intéressant. Vous l'aurez compris, précipitez-vous, La Montagne Magique Écrolique existe dans un coffret DVD, un double coffret, précipitez-vous. Voilà, il existe aussi en VOD et précipitez-vous voir Le Voyage de Barona. Je vous le rappelle, je le dis à chaque fois, c'est parce que vous allez aller en salle que les films pourront rester en salle. On l'a dit l'année dernière, le combat pour la réessai est important, c'est sûrement l'un des plus importants. Si on veut changer le monde, ça passe aussi par ça. Et si on veut parler d'écologie, si on veut parler de tout ça, c'est aussi en faisant un équilibre et en rééquilibrant les choses que ces grosses sociétés, ces gros compagnies, etc. nous ont volé. Et encore une fois, croyez pas qu'en allant voir Star Wars ou Frozen, c'est juste La Reine des Neiges 2. Oh, c'est pas grand chose, c'est rien. C'est comme si vous donniez de l'argent à peur, enfin à tous les gros groupes, etc. Et vous empêchez, surtout, on empêche les petits de prendre de la place. Parce qu'encore une fois, quand je vous dis que La Reine des Neiges 2 a encore 38 séances, ça empêche Marona, par exemple, d'exister. Et je vous promets, il vaut mieux voir exister Marona que je ne sais plus comment s'appellent les deux personnages de La Reine des Neiges, mais elle a largement plus d'humanité qu'aucun de ces deux personnages, vraiment. Donc précipitez-vous voir ces films-là. Merci beaucoup Anka pour être venu nous en parler. On va très rapidement terminer avec des petites choses. Moi, je voudrais juste vous dire que Boris Labbé sera le 30 janvier au Forum des Images pour nous parler de tout son cinéma. C'est un cinéaste absolument passionnant. On espère pouvoir faire une interview au passage et vous la passez le 20 février. On a déjà parlé, la star du court-métrage de la fin d'année et de cette année, le grand beau, enfin voilà, Théodore Huchef sera le 20 février au Forum des Images pour parler de sûrement l'un des événements du court-métrage, La Physique de la Tristesse, son dernier film, 28 minutes, film fleuve, que vous pourrez voir sur grand écran le 10 février à la Cinémathèque. Précipitez-vous pour voir le Théodore Huchef et en même temps vous verrez le dernier film des frères Coué qui ne passe qu'en 35 mm. Ils veulent pas autre chose que du 35 mm, donc il va passer dans très très peu de salles. Allez-y dans cette salle de la Cinémathèque qui décidément parle de plus en plus d'animation. Le 17, Francis Gavel présentera toute une programmation des films, dont le film 1. C'est le 24 février. T'es sûr? Oui. D'accord. D'ailleurs, c'est peut-être Francis qui renvoie le message en disant et tout. Donc, le 24, donc c'est peut-être le 17 et le 24. Alors, j'ai peut-être mélangé. Regardez sur la Cinémathèque, en tout cas, vous avez ces deux. Et le film d'Anaïs, Fond du Jardin, passera dans cette sélection. Le film de Francis Gavel et Clérin Gaberti, Cœur de récré, est en ligne. Vous pouvez le regarder. Donc, Cours de récré de Francis Gavel, vous allez voir. C'est pas la chose la plus drôle, une espèce de conte cruel sur la jeunesse, mais regardez-le, il y a tout l'univers de Francis qu'il avait créé déjà dans une bande dessinée. Regardez aussi, il y a un film d'une jeune réalisatrice dont j'ai bêtement pas mis le nom, qui dépeint ses 48 heures de garde à vue après une manifestation qu'elle a fait. Et c'est bien parce que c'est aussi l'animation, on en parlait, de changer le monde, ou en tout cas de faire évoluer les choses. Et là, elle explique, elle montre de manière très rapide ces 48 heures en garde à vue, évidemment la dureté de la police aujourd'hui et notamment des violences policières. Passage de Simon, et j'arriverai jamais à le prononcer, Feat, désolé Simon, F-E-A-T, ancien de l'EDSAD, son film de fin d'études est en ligne, beauté, balade visuelle et spirituelle d'une beauté absolument incroyable, 6 minutes un peu hors du temps, foncez le voir. Il me reste une minute, je vais la laisser à Marie-Pauline. Marie-Pauline, tu voulais nous dire, il y a un nouveau nom pour le cinéma d'animation? Non, alors il n'y a pas un nouveau nom pour le cinéma d'animation. Enfin, j'espère qu'on va quand même pas en arriver là. Par contre, il y a un nouveau nom pour la prise de vue continue, puisque dernièrement, j'ai vu sur un site institutionnel qu'on nous parlait de films avec des images réelles. Donc, probablement bientôt, on nous parlera de films avec des fausses images, et là, ce sera l'animation. Mais nous n'en sommes pas encore là. Et en fait, moi, ce que j'avais envie de dire sur le sujet, c'est que visiblement, c'est la prise de vue continue qui a un problème avec son appellation. Et nous n'en avons pas. Donc, on va les laisser continuer à chercher comment ils pourraient bien se distinguer. Et je vais dire ce que je dis à chaque fois, qui est que si juste on pouvait parler de cinéma et de films, moi, je pense que ça serait très suffisant. Merci beaucoup Marie-Pauline. Est-ce qu'on a l'émission d'après là ou... Oui, c'est bon. Et ben donc, Nicolas, dernier mot. un dernier soupir d'Anka. Merci beaucoup. On peut mettre, allez, pour la fin, on n'a pas eu le temps, le morceau 11 qui s'appelle The City, qui est tiré de Marona. Merci beaucoup à Nicolas pour avoir été là, pour avoir réalisé cette émission. Et encore vraiment merci Anka d'avoir été dans cette émission. Et donc à très bientôt. La prochaine émission sera une thématique. Et on vous dira ça bientôt. À plus tard. Bye bye.